Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire à Québec, l'héritage de Jean-Paul Lallier. Pourquoi la mairie? Parce que finalement, j'ai toujours aimé Québec. Moi, je vis avec Québec une relation émotive. J'adore cette ville-là, même si je n'y suis pas né. Et même si j'y vis seulement depuis 67. Ce dont je suis fier, c'est la réhabilitation, la renaissance du quartier Saint-Roch. C'est d'avoir ramené la beauté dans la ville et que les gens perçoivent que d'embellir la ville, ce n'est pas une dépense, mais bien plutôt un investissement acceptable. C'est comme maire de Québec qu'on se souvient d'abord et avant tout de Jean-Paul Lallier, un maire qui a profondément aimé sa ville et qui a durablement laissé sa marque. Homme de vision, homme de culture également, la figure de Jean-Paul Lallier s'est rapidement imposée à nous pour ouvrir cette semaine d'émissions consacrées à Québec qui vous parvient du Musée national des beaux-arts du Québec. C'est ça, la démocratie. Il faut faire les choses avec les gens. Jean-Paul Lallier aura été un grand serviteur public. En 1970, il a été élu sous la bannière libérale au provincial. Il a été nommé ministre des Communications. Il sera défait 6 ans plus tard. Après une éclipse de la politique active, il revient en 1989. Il est élu maire de Québec. Le maire n'était pas tout seul sur son trône. C'était un maire qui était proche des gens, qui était avec son équipe. Et qui partageait avec son équipe. Et quand son équipe n'était pas d'accord, si on avait des bons arguments, on pouvait le faire changer d'idée. Jean-Paul Lallier était guidé par un sens de la beauté en urbanisme. Il se donne comme premier mandat de revitaliser le centre-ville, tout particulièrement la basse-ville, avec le quartier Saint-Roch. On ne peut pas avoir une ville de la beauté puis de la taille de Québec avec un centre-ville qui a l'air d'avoir été bombardé. Denis de Belval a été son directeur général pendant notamment la première partie des années 90, une période économique difficile. Aujourd'hui, si vous voulez un monument pour Jean-Paul Lallier, bien, vous n'avez pas besoin de chercher, c'est sa ville. Extrait du reportage de Cathy Sonnet diffusé au Téléjournal du 5 janvier 2016, jour du décès de Jean-Paul Lallier. Pour nous parler de l'héritage de Jean-Paul Lallier, je reçois l'historien Gilles Galichan qui travaille actuellement à un livre dans lequel il va compléter les mémoires qu'avait commencé à rédiger Jean-Paul Lallier avant de mourir en janvier 2016. Gilles Galichan, bonjour. Bonjour, Jacques Beauchamp. Quand on repense à Jean-Paul Lallier, puis les extraits qu'on vient d'entendre nous le rappellent, quand on repense à Jean-Paul Lallier, c'est d'abord au maire de Québec qu'on repense, alors qu'il a été plein d'autres choses, ministre du gouvernement Bourassa. Pourquoi? Pourquoi c'est au maire qu'on repense tout de suite, spontanément? Bien, je pense que c'est l'aboutissement de sa carrière. C'est un peu par hasard, même en politique provinciale, en politique québécoise, à la mairie, c'est pas un carriériste, c'est pas quelqu'un qui a cherché constamment à avancer, à essayer de trouver ou se faire élire. Souvent, il y avait un besoin, on allait le chercher, on le sollicitait, et il essayait parfois même de suggérer des noms de d'autres personnages ou d'autres personnes qui pourraient être disponibles. Et puis finalement, ben, les autres disaient « Non, non, toi, vas-y, vas-y ». Et puis c'est comme ça qu'il se retrouvait finalement, puis il acceptait de relever. C'est quelqu'un qui ne refusait pas les défis. Ouais. Et que ce soit, on en parlera tout à l'heure, dans Deux-Montagnes, quand il se fait élire comme député, puis après ça, ministre, ou comme maire de Québec, ben, c'était quand même de sérieux défis à relever, puis il les a relevés. Oui. On va parler beaucoup, donc, du politique, de l'homme politique, Jean-Paul Lallier, à Québec, puis à la mairie ensuite. Mais un petit mot avant, pour remonter un peu aux origines, mais... pour comprendre d'où il vient, Jean-Paul Lallier, parlez-moi un peu, Gilles Galichan, du Jean-Paul Lallier d'avant la politique. Bien sûr. Ben, en fait, il est né à Hudson, près de Montréal, mais en fait, il a très peu vécu là-bas. Ses parents se sont réinstallés là d'où venait la famille, c'est-à-dire dans le nord de Montréal, la région des Laurentides, à Sainte-Scolastique, qui est devenue plus tard Mirabel. Ça explique aussi pourquoi le fameux dossier des expropriations de terres de Mirabel pour l'aéroport, qui était un énorme scandale en son temps, ça l'a toujours préoccupé, puis s'est toujours occupé aussi des expropriés de Mirabel. Ouais. Alors, donc, il a grandi dans ce milieu scolastique avec un père qui était boulanger, qui livrait le pain un peu partout et qui fabriquait du pain. Alors, ça lui a permis aussi de connaître ce milieu-là, ce qui fait que même après ses études, lorsqu'il va revenir sur place comme candidat aux élections, bien, les gens se rappelaient évidemment, ouais. « Ah, tu venais avec ton père » et tout ça. Alors, ça va aider aussi sa réinsertion dans le milieu de Deux-Montagnes lorsqu'il fera de la politique. Puis vous parliez du fait qu'au fond... c'est pas un carriériste et que le hasard va peser lourd dans la vie et le destin de Jean-Paul Lallier. Il va étudier dans l'Outaouais, en fait, à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Mm-hmm. avec l'idée, très probablement, au moment où il finit ses études en droit, de s'installer dans cette région-là. C'est un peu ça le plan initial. Tout à fait, oui, ça aurait pu être tout à fait son destin d'être avocat, de pratiquer dans la région d'Ottawa. Maintenant, il est arrivé la possibilité de faire une coopération internationale du côté du Maroc pendant un an. Alors, son doyen, enfin, ses patrons lui ont dit à Ottawa, non, vas-y, ça se manque pas. À 20 quelques années, tu manques pas l'occasion d'aller faire une expérience comme ça de coopération internationale. Donc, il va aller passer un an ou deux au Maroc. On va t'attendre. Et ben voilà, c'est ça. Alors donc, j'ai un congé sans solde et tout ça, vivre une expérience. Il revient, donc on est en 1966. On n'a peut-être pas mentionné en quelle année il est né, c'est quand même peut-être pertinent. 1938. Oui. Donc, au début des années 60, il est dans la jeune vingtaine. Il est encore, bon, tout à fait ouvert à toutes les expériences du monde. Et 1966, ben, on est à la veille de l'Expo 67. Oui. Et on avait besoin de gens et pour le travail, un peu de réception des chefs d'État qui était invité à Expo 67. Il va se retrouver donc un peu l'adjoint d'André Patry, qui était responsable du protocole lors des visites de chefs d'État à Expo 67. Ouais. Alors, il va donc être dans les coulisses, mais quand même un peu sur la brèche de ces grands événements-là, et surtout la visite du général de Gaulle, qui évidemment va marquer. Alors ça, il en a gardé un souvenir évidemment prégnant, on imagine, quand on est quand même dans les coulisses. Il est là, tout près. Même s'il n'a pas le premier rôle, c'est M. Patry qui est responsable de tout ça, mais il est là et il va donc assister, voir les réactions un peu de tout le monde. Alors, cet événement-là, dont il a été un témoin privilégié, bien, ça va également marquer sa carrière parce que les années suivantes, tout de suite l'année suivante, à la suite du voyage du général de Gaulle, les accords franco-québécois sur la création de l'Office québécois franco de la jeunesse, où on va encore là le solliciter en disant, bon, bien, mon Dieu, tu as une expérience internationale, tu t'es occupé d'Expo 67, viens donc mettre sur pied au moins cet office d'échange entre les jeunes français, les jeunes québécois qui vont aller de part et d'autre pour, dans l'esprit du voyage gaulien, d'échanger puis d'apprendre à se connaître mutuellement. Et là, il y a un virage important qu'il n'avait pas prévu, mais il oublie à ce moment-là complètement Ottawa et, oups, il se rapproche de l'appareil administratif, l'État québécois. Oui, il va se familiariser un peu, pas sur la politique partisane, parce que justement, il souhaitait que cet organisme-là soit en dehors des chicanes politiques. Hein? Oui. Alors, donc, il avait demandé même à Robert Bourassa et puis au ministre de l'Union nationale qui était au pouvoir à ce moment-là de ne pas trop appuyer là-dessus. Il voulait que son office franco-québécois de la jeunesse soit vraiment en dehors de la sphère partisane. Et comment Gilles Galichand, Jean-Paul Lallier, se retrouve-t-il un beau jour candidat libéral? Comment en arrive-t-il à vouloir faire de la politique active? Ben voilà, en fait, encore là, on l'a sollicité. Il y avait un de ses anciens collègues, il avait fait ses études au Collège Sainte-Thérèse. Alors souvent, les collèges classiques ont créé aussi des fraternités qui sont durables dans la vie. Alors un de ses anciens collègues, M. Bellil, qui était dans l'organisation libérale de Deux-Montagnes, se rappelait de lui en disant, ben ça nous ferait un très, très bon candidat. Alors on va donc le solliciter pour être candidat, donc libéral, dans Deux-Montagnes. Au départ, il n'était pas convaincu, d'autant plus que Deux-Montagnes, si on se souvient, c'était pas un château fort libéral, c'était au contraire, pendant longtemps, un château fort unioniste. Ça avait été le comté de Paul Sauvé, puis d'avant ça, d'Arthur. C'était passé aux libéraux en 60, mais c'était pas acquis, c'était pas dans la poche. Alors, il fallait quand même se battre. Alors, finalement, il relève ce défi-là, peut-être en espérant plus ou moins d'être élu, mais finalement, il est élu, donc encore là, relativement jeune, il a 32 ans, et il se retrouve. Encore là, d'être élu, c'est une chose, d'être nommé ministre, c'est une autre chose. Il s'y attendait pas vraiment parce qu'il était pas très, très enraciné dans le Parti libéral, dans l'organisation libérale, mais finalement, il va recevoir l'appel de Robert Bourassa. Et c'est un studio, c'est quelqu'un qui travaille sérieusement dès le début, comme ministre à Québec. Mais évidemment, c'est des années, on entre dans une période fascinante de la vie de Jean-Paul Lallier, mais de l'histoire du Québec. Ces deux mandats du gouvernement Bourassa en 70 et en 73, c'est la crise d'octobre. C'est, pour ce qui est de Jean-Paul Lallier, cet affrontement brutal, j'allais dire frontal, avec les grandes centrales syndicales du secteur public québécois, puisqu'on est en plein front commun, et Jean-Paul Lallier va être vraiment aux premières lignes. C'est la question, en fait, qui est posée par les centrales syndicales. On voudrait que le gouvernement se situe à la tête de l'ensemble des employeurs en ce qui concerne la rémunération. Je crois que nous ne pouvons pas aussi facilement accepter ce principe aussi facilement qu'il est énoncé. Il y a dans le secteur public la permanence d'emploi, il y a un certain nombre d'avantages qu'on ne retrouve pas dans le secteur privé et qui ont quand même une valeur. Deuxièmement, le gouvernement n'a pas, à notre avis, à se placer à la tête du peloton des employeurs, si vous voulez, dans toute la mesure où Nous devons payer ces employés avec les contributions, les taxes des Québécois, et nous devons, à ce moment-là, je crois, les payer conformément à tous leurs collègues ou à tous leurs confrères du secteur privé, sans nécessairement prendre le leadership dans ce domaine-là. Je ne vois pas pourquoi les menuisiers du gouvernement, par exemple, seraient payés avec les taxes d'autres menuisiers du secteur privé, 1 $ ou 75 cents ou 2 $ de plus de l'heure que ceux du secteur privé. Jean-Paul Lallier à l'émission Format 30, le 19 mai 1971. Le Jean-Paul Lallier qu'on vient d'entendre, Gilles Galichon, évidemment, c'est le ministre libéral qui défend la ligne de parti, comme on dit. Vous êtes en train, donc, de travailler à ce livre à partir des notes qu'il a laissées. Il travaillait à ses mémoires. Je suis très curieux de vous entendre là-dessus. Ce sera dur pour lui. Ça commence très, très dur comme jeune ministre. Il va, il faut le savoir, il est rappelé aussi, il est ministre responsable de la fonction publique à ce moment-là. Monsieur Bourassa, Robert Bourassa, va le tasser. Je pense qu'on ne peut pas utiliser... C'est un peu brutal, mais c'est ça. Pour donner le dossier, parce que ça va très mal, pour donner le dossier à Jean Cournoyer. Comment il va vivre ça? Bien, ça a été une période très difficile dans sa vie, d'autant plus qu'à l'époque, même son frère avait eu un accident mortel d'auto. Alors, il venait de perdre son frère pendant tout ça. Des fois, l'arrière-plan familial aussi détermine aussi comment les gens traversent ça. Maintenant, on lui en a mis beaucoup sur les épaules à ce moment-là. Il était également ministre des Communications, il ne faut pas oublier. Et il y avait également un gros contentieux avec le gouvernement fédéral là-dessus, avec Gérard Pelletier, puis après ça, Jeanne Sauvé, sur qui contrôlerait les communications au Québec. C'était quand même un très gros dossier. En plus, on lui avait mis la fonction publique avec ce front commun. C'était la première fois que le Québec devait négocier avec, comme ça, tous les syndicats réunis. Ça a mal tourné. Vous savez qu'il y a eu des grèves illégales. Ensuite, le ministère de la Justice est intervenu, le fameux emprisonnement des chefs syndicaux. Ce n'était pas de son chef, sa volonté à lui. C'était celle du gouvernement et du ministère de la Justice qui est intervenu pour dire... En fait, il n'est pas d'accord Il n'était pas d'accord, non, parce qu'il disait comment on peut négocier alors que les chefs syndicaux sont en prison. Alors, on lui a tiré le tapis sous les pieds, finalement, et effectivement, on a demandé à Jean Cournoyer de le faire. Bon, lui était d'une certaine façon un peu soulagé d'être débarrassé de ça. Il en avait déjà plein les bras avec les communications, alors, puis avec ce qui arrivait dans sa famille. Alors, je pense qu'il n'en a pas ni voulu, ça n'a pas créé non plus un froid entre lui et Jean Cournoyer. Il a simplement passer le bâton, finalement, pour que ce soit continué et réglé. Je suis très curieux de vous entendre nous parler d'un autre épisode. Je l'évoquais un peu, mais cette crise d'octobre en 1970, qu'il va vivre, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme note? Bien, il en parle comme étant un moment de sentiment de grande impuissance, parce que dès le moment où il y a eu l'enlèvement de Pierre Laporte, on a enfermé le cabinet, a été convoqué, mais à Montréal, aux reines Élisabeth, et ils étaient vraiment là, la claustra, là, c'était vraiment, ils étaient complètement coupés du monde. Ouais. Alors, ils n'avaient pas autour d'eux les ministres, leur personnel, leurs sources d'informations normales, etc. Et ils ne savaient de l'extérieur que ce qu'on leur en disait. Et on voyait bien, d'après ce qu'il dit, qu'on essayait d'arracher à Robert Bourassa le consentement de l'intervention de l'armée. Alors, on lui disait, bon, nous croyons savoir qu'il semble y avoir une insurrection appréhendée. Vous vous souvenez, bon, c'était le terme utilisé. Alors, c'est après coup qu'il s'est rendu compte que, finalement, il y avait eu une manipulation, même du gouvernement, des ministres, à travers tout ça. Il en était assez amer et il s'en est souvenu comme quelque chose d'assez triste comme moment et moment d'impuissance. Oui. 1975, il devient... ça va être court, mais ça va être important pour lui et pour la politique culturelle du Québec. Il devient ministre de la Culture et il va laisser en quelques mois, je pense, un an, à peu près. Ça marque. Oui, tout à fait. Ça rejoignait aussi, il avait fait un livre, on appelle ça les livres verts. C'était pas vraiment une politique très élaborée, mais au moins les intentions du gouvernement dans un domaine quelconque. Il l'avait fait dans le domaine de la communication en 71, dès le moment de... Et ça, bon, pour justement marquer quelle était la ligne d'horizon du gouvernement dans cette optique-là. Alors, il fait le même exercice avec le ministère de la Culture lorsqu'il y arrive, les affaires culturelles, ça s'appelait à l'époque. Et il va donc déposer au mois de mai 1976, ce livre vert qui va être très, très bien reçu dans le milieu de la culture parce qu'il couvrait vraiment, là, il y avait vraiment un large spectre, que ça allait de la lecture publique, le théâtre, le cinéma. Enfin, il y avait vraiment une vision très globale, très englobante. Donc, tous les gens, les gens du milieu de la culture, personne ne se sentait exclu de ça en disant, bon, il ne s'est pas occupé de nous, etc. Il a essayé vraiment de faire une vision d'ensemble. C'est resté vraiment, et ça va rester longtemps dans le paysage. passage parce que même si le gouvernement suivant, le gouvernement du Parti québécois, a laissé ça un peu de côté, il racontait que 20 ans plus tard, Jacques Parizeau, devenu premier ministre, l'a rappelé en disant, écoutez, il y a des éléments dans votre... On voudrait, nous, maintenant, mettre ça. Alors, donc, il avait semé vraiment à long terme dans ce livre vert qui est vraiment resté un monument de l'organisation des politiques culturelles. C'est intéressant que vous parliez de Jacques Parizeau à ce moment-ci parce qu'on arrive dans l'espèce de période de transition politiquement de Jean-Paul Lally. Il est défait en 1976. Il est emporté par la vague du 15 novembre 1976. Et c'est un peu plus tard qu'il devient souverainiste. Qu'est-ce qu'il devient, de fait, après cette défaite de 1976? Oui, bien, en fait, comme évidemment, toutes les défaites sont toujours amères. Dans son cas, même au niveau familial, il va avoir rupture avec sa première épouse et tout ça. Il va se retrouver avec des petits contrats. Il va enseigner à l'ENAP. Il va être également invité comme avocat conseil dans un bureau d'amis là, qui lui disent ben, « viens te joindre à nous ». Après, il va ouvrir très rapidement, il va ouvrir un petit bureau de conseiller en programme, que ce soit les domaines, dans le domaine public, par exemple l'évaluation des programmes culturels ou des programmes d'urbanisme ou n'importe quoi dans plusieurs domaines, que ce soit du côté des villes, des organisations, des gouvernements. Alors, il offrait ses services comme ça à contrat pour faire des évaluations de programmes. Mais son réseau, à ce moment-là, après l'élection 76, c'est encore le réseau, en guillemets, libéral. Tout à fait. Mais arrive le référendum de 80. Il reste membre, c'est ça, du parti libéral. Il est même dans l'organisation, au fond. Et lorsqu'arrive, évidemment, la question du référendum, c'est là, avec l'arrivée aussi au pouvoir du Parti libéral de Claude Ryan, ils n'étaient pas du tout d'accord sur l'optique à prendre par rapport à une éventuelle question. On ne savait pas quelle elle serait, cette question référendaire. Mais lorsqu'elle arrive sur le tapis, lui est plutôt d'accord de voter oui, même si les libéraux, parce que s'il y avait eu une coalition Parti québécois et Parti libéral sur le oui en 1980, probablement que le oui aurait emporté. Mais ce qu'il souhaitait, c'est qu'après, il y aurait des élections, puisqu'on arrivait en fin de mandat, et que le Parti libéral aille tirer encore là le tapis sous le pied du Parti québécois pour dire, bien, écoutez, nous, on est mieux placés que le Parti québécois pour négocier ce que sera l'avenir du Québec. Alors, je pense que ça a été un peu sa position, et il est resté logique avec ça, même lorsque le Parti libéral lui a dit, bien, tu t'en vas, est resté et il va être le seul avec Kevin Drummond, ancien ministre de l'Agriculture du gouvernement Bourassa, à appuyer le oui au référendum. Mais ça va lui coûter cher, ça lui coupe un peu son réseau politique naturel. Remarquez, il va se retrouver, le PQ va le nommer délégué général du Québec à Bruxelles. Le défi extraordinaire que vous nous demandez de relever aujourd'hui, nous allons pouvoir le relever parce que vous êtes là. Un peu plus tôt, à l'Hôtel de Ville, le nouveau maire de Québec commentait son balayage. C'est une victoire qui est forte, c'est une victoire qui est stimulante, c'est une victoire qui est aussi un contrat non équivoque. Vous faites les choses que vous avez dit que vous feriez, vous nous consultez, vous ramenez la démocratie, vous gérez autrement. Et ça, je pense qu'on a la force, on a la détermination, on a l'équipe pour le faire. M. Lallier veut un conseil plus accessible. Il croit que les séances devraient se tenir en soirée et être télédiffusées. La première résolution proposera un code d'éthique pour tous les élus. Et ces élus, ils avaient tous leur mot à dire hier. Jamais que si vous croyez à une chose, que ça ne vaut pas la peine d'y travailler. Maintenant, nous allons le faire. M. Lallier a dit clairement qu'on allait maintenant aller à l'Hôtel de Ville pour débattre. Non pas en cachette dans le bureau avec Laurent, comme pendant les dernières années, mais sa place publique. Et c'est ça qu'on va faire. Jean-Robert Fauché à l'Hôtel de Ville de Québec. Alors, Jean-Paul Lallier devient maire de Québec en novembre 89, Gilles Galichand. Encore une fois, un peu par hasard, mais comment il se retrouve à la mairie de Québec? Encore là, on l'a sollicité. C'était le Rassemblement populaire, qui était un parti municipal, disons, plus à gauche, centre-gauche, disons ça comme ça, qui regroupait un peu l'opposition au Progrès civique, qui était au pouvoir depuis 25 ans, extrêmement bien enraciné, très bien organisé. Et au départ, encore là, c'était pas gagnant, mais il va faire une excellente campagne. À ce moment-là, il s'opposait à un ancien ministre, d'ailleurs péquiste, qui était Jean-François Bertrand, qui était devenu candidat pour le Progrès civique. Et il va remporter. Alors, un peu à la surprise, peut-être, mais avec... puis on va voir qu'il y a une cohérence très grande entre son engagement qu'il avait eu avec le gouvernement Bourassa au départ et comme maire de Québec. C'est un engagement axé sur la culture. Oui. La culture, vous parliez de beauté au début, c'est très important. Il était de l'école d'André Malraux, par exemple, ou de plus proche de nous, de Georges-Émile Lapalme, qui mettait la culture au cœur de l'action politique. tout devait être un peu tourné autour de cet axe-là. Et pour lui, il avait une vision très claire de ça. Et à partir, il disait que lorsqu'on sait où on s'en va, les gens qui sont d'accord vont embarquer. Puis on va même fédérer des gens qui vont dire, bon, ben lui, il sait où il s'en va, on va le suivre. Alors, c'est un peu comme ça qu'il a axé toute sa carrière. Une vision, on l'entendait dans l'extrait, mais une manière de voir la démocratie de manière plus transparente, plus ouverte, plus de consultation. J'écoutais un extrait, on ne peut pas tout diffuser, mais en préparant l'émission, où Jean-Paul Lallier disait, j'ai été séduit par ce parti, par cette équipe, parce que c'était à l'échelle municipale de la social-démocratie. Voilà. Cet homme de gauche. C'était très important, la social-démocratie. C'est la raison qu'il l'avait un peu amené à collaborer avec Robert Bourassa, parce que pour lui, c'était le Parti libéral des années 60 qui continuait le pouvoir. Et là, à Québec, il a fait un peu la même chose avec son parti. Saint-Roch, il y a ce parc, ce jardin qu'on a rebaptisé Jardin Jean-Paul Lallier. Avec raison. Et ça incarne beaucoup de choses. Parlez-nous de ça. Cette revitalisation de Saint-Roch, qu'est-ce que ça nous dit sur la vision qu'avait Jean-Paul Lallier de la politique municipale? Ceux qui se souviennent du quartier Saint-Roch dans les années 80, les gens appelaient ça en dérision Plywood City, la ville du contreplaqué. En fait, c'est que c'était dévitalisé, c'était livré à des affairistes plus ou moins douteux qui essayaient de faire des grands projets à venir, construire une espèce de tour, une espèce de grand centre commercial qui aurait été assez déshumanisé. Bien, lui, au contraire, devant ce quartier qui était complètement dévitalisé, il s'est dit, on va d'abord créer un parc, un espace vert, très beau, très structurant, et encore là, on va greffer autour de ça des organismes, des écoles, les NAP et tout ça qui va venir se dresser. On va ouvrir des bureaux du ministère, de la municipalité, et on va revitaliser. Et ça a marché. Ça a donné vraiment un coup d'envoi. Le quartier s'est rénové, s'est rafraîchi, et on a raison parce qu'il a fait autre chose. Il a fait la rivière Saint-Charles. Enfin, on a vu Québec reprendre un visage de beauté, là, vraiment très agréable. Le souci de l'urbanisme était très, très grand pour lui parce qu'il disait, à partir du moment où la ville est belle, les gens ont un plaisir à y vivre, bien, le reste vient à l'avenant. Oui. Ça a été votre voisin à l'île d'Orléans, Jean-Paul Lallier. Quel genre d'homme était Jean-Paul Lallier? Bien, moi, je l'ai toujours vu comme quelqu'un de très accessible, très humain. Un homme attachant. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis je pense que c'est ce que le souvenir... vous savez, moi, j'ai vu en 2008, lorsqu'il y a eu les fêtes du 4e centenaire, il n'était plus en politique à ce moment-là, mais à l'applaudimètre, quand il était présenté, je pense qu'il se rendait compte que les gens, malgré les critiques qu'il avait reçues, etc., allaient se souvenir de lui dans ce sens-là. C'était un peu le salaire du cœur, finalement, qu'il recevait. Et je pense qu'il savait déjà à ce moment-là qu'il allait laisser un souvenir très positif dans la mémoire des gens de Québec. Gilles Galichon, historien, ancien bibliothécaire à l'Assemblée nationale du Québec, auteur d'un livre à paraître, donc, dans lequel vous allez compléter les mémoires qu'avait commencé à rédiger Jean-Paul Lallier. Ça a été un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment à toute l'équipe du Musée national des beaux-arts du Québec pour leur accueil. Merci à vous qui commencez à applaudir. Merci beaucoup de vous être déplacés. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Alors, on prend quelques minutes. Monsieur Galichon accepte de répondre à vos questions. Si vous voulez, allez-y, commentaires, questions. On se donne 10-15 minutes encore une fois. Qui veut se lancer? Oui, madame. Bonjour, Monsieur Galichon. Bonjour. C'est comme une anecdote, là. C'est pas vraiment sérieux, mais en même temps, tout avait son importance. Hein? Les petites places de Québec, André Marié, tout ça. J'ai entendu dire qu'au parc Jean-Paul Lallier, les plates-bandes étaient surélevées d'un pied à peu près, comme dans des boîtes à fleurs, par crainte du vandalisme des petits voyous de Saint-Roch. Mais je n'y crois pas vraiment parce que le parc a toujours été magnifique. Est-ce que vous savez, c'est une anecdote ou c'est vrai? Mais ça touche un peu la question de l'éducation populaire. Je sais que j'avais entendu une entrevue un jour avec un ancien maire de New York, parce que New York passait pour une ville, évidemment, aussi qui faisait peur. Les métros étaient tagués, puis tout en fait, c'était atterré. Un jour, ils ont décidé, l'administration municipale de New York, de tout nettoyer, de tout mettre très, très beau. Et finalement, ça avait marché. En tout cas, je ne sais pas si c'est encore comme ça. ça. Là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à New York. Mais il y a une espèce de réaction qui fait que si on donne un entourage qui est agréable et esthétique et beau, c'est pas sûr que les vandales vont venir. Ça peut arriver, là, ça arrive partout, mais ça attire pas. Tandis que quand c'est un peu laissé à l'abandon, souvent, ça s'empire parce que là, on se dit, ah, ben, on peut tout faire, on peut tout jeter nos cochonneries. Bon, c'est déjà presque un dépotoir. Alors, je pense qu'il y avait cette idée-là, puis Jean-Paul Lallier devait certainement, avec les urbanistes, là, avoir songé à ça. Peut-être que ça a été fait, effectivement, pour protéger un peu les lieux, mais je pense qu'il y avait derrière ça l'idée aussi que si on met quelque chose d'agréable et de beau, c'est pas certain que les gens vont venir tout arracher. Une belle idée, en tout cas. On se plaît à croire que c'est vrai. En tout cas, oui, ouais. Autre question, autre commentaire, oui? Je voulais simplement ajouter qu'un élément important de ce que Jean-Paul Lallier a apporté aussi, c'est les fusions et l'unification de la ville de Québec. Si aujourd'hui, par exemple, on a une ville qui est capable d'exercer un leadership, c'est avant tout grâce à son action, en collaboration, bien sûr, avec le Lucien Bouchard à l'époque. Mais je pense que ça fait partie de son héritage important. Ouais. Tout à fait. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça a été quand même très important. Vous savez, au début des années 1900, si on remonte à 1970, sur le territoire actuel de la ville de Québec, il y avait une trentaine de municipalités. En 73, on était passé d'une trentaine, parce qu'il y avait eu des regroupements, d'une trentaine à 13, y compris la ville-centre de Québec. Mais on avait créé la communauté urbaine de Québec, vous vous souvenez peut-être de cette... Bon, qui était censée être l'organisme qui allait répartir un peu la fiscalité, etc. Bon, mais ça marchait... C'était de façon boiteuse parce que tout le monde essayait de rivaliser avec la ville d'à côté, qui aurait le plus gros parc industriel et puis qui allait donner... Alors, même les entreprises, au début, ça avait l'air attirant pour des entreprises, de dire on va négocier où est-ce qu'on va être le mieux reçu, est-ce qu'on va avoir un congé de taxe à Sillery puis qu'on ne l'aura pas à Vanier, etc., bon, ou à Charlebourg. Alors, il y avait comme un jeu, mais à un certain moment, les querelles étaient tellement acides que les gens se disaient, oh, mon Dieu, à Québec, là, on n'ira pas là, la chicane va prendre. Bon, alors, il y a des entreprises qui s'en allaient ailleurs parce que les villes, on savait que c'était un panier de crabes. Alors, il y avait ça aussi que l'Allier voulait régler. Alors, ça faisait longtemps que c'était dans le décor, on en parlait depuis longtemps, et il y avait un prix à payer parce qu'il y avait, c'est certain qu'il y avait de l'opposition à tout ça, mais il est allé de l'avant, il a réussi justement à faire alliance avec le gouvernement du Québec pour que ce soit réglé, pas seulement qu'à Québec, mais au fond, il y a eu, hein, ça a été un mouvement de sur tout le territoire du Québec, Montréal, Gatineau, Chicoutimi, en fait, tout ça a été... Alors, c'était le problème aussi des villes-centres avec des séries de villes qui font partie de la trame urbaine, mais qui ne contribuent pas toujours aux infrastructures et puis à l'organisation. Alors, bon, il y a eu du pour et du contre, mais je pense qu'au bout, à long terme, je pense qu'on se rend compte qu'il fallait que tout ça se réorganise et c'était dans l'ordre des choses. Puis à Québec, vous avez eu la sagesse de ne pas trop détricoter ce qui avait été fait, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. C'est ça, mais bon, voilà, autre question, oui, madame. Monsieur. Ah, monsieur Galichard, bonjour, c'est Marc Rolland ici. J'ai travaillé avec monsieur Lallier au comité exécutif. Voilà. En compagnie de l'ensemble du comité exécutif. Je voulais juste savoir si vous aviez l'intention de parler de son style de leadership. Parce que moi, toutes les semaines, on travaillait ensemble. Et je peux vous dire que c'est vraiment un homme qui avait toujours des idées, qui voyait à l'avant, mais qui avait aussi une démarche collective avec l'ensemble des membres du comité exécutif. Et ce qui faisait que dans les débats qu'on avait ensemble, tout ça, on arrivait toujours à une synthèse, puis on avait une équipe vraiment très soudée, justement par sa façon de travailler. Et j'espère que c'est un aspect que vous pourrez développer à un moment donné. Oui, ben, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour en témoigner, là. Merci de votre intervention. Oui, ben, c'est ça. Je pense qu'effectivement, il en parle. Il fait pas, évidemment, vous verrez le texte. Et je pense que c'est effectivement, vous avez raison, il insiste dans ses notes, là, je vois qu'il insiste sur le fait qu'il faut travailler en collégialité. C'est pas le pouvoir vient pas du Seigneur en haut, là, bon, puis l'inspiration. Il faut écouter ce que les gens disent, mais il faut avoir aussi une idée, parce qu'il faut pas être qu'une sorte d'éponge qui ramasse n'importe n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Donc, avoir des principes, avoir une idée, une vision, mais cette vision-là n'est pas hermétique, là. C'est pas sectaire. Il faut essayer justement de l'enrichir avec ce que les autres peuvent apporter dans cette orbite-là. Alors, je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois dans les notes qu'il a laissées. J'espère que, effectivement, vous le reconnaîtrez dans tout ça, sans doute, mais votre témoignage est beaucoup plus éloquent encore que ce que moi, j'aurais pu en dire, parce que je ne l'ai pas connu sur cet aspect-là. On le voyait, évidemment, comme homme public, mais vous l'avez connu de l'intérieur, c'est beaucoup mieux. Puis moi, ce qui me fascine, c'est avec efficacité en plus, parce que c'est toujours un pari, ça. Ça peut. Ben, vous pourrez vous parler. Oui, tout à fait. Enrichir les notes, d'autres notes. Autre question, madame, à l'avant. Bonjour. Premièrement, je voulais vous féliciter, vous, toute l'équipe. Là. Merci. C'est vraiment une émission vraiment très intéressante. Merci. C'est enthousiasmant. J'ai un commentaire et une question. Je vais commencer par la question. C'est plus... au coin de Saint-Paul, Saint-Pierre, Saute-aux-Matelots, il y a une magnifique sculpture d'une proue de bateau avec... Oui, la... oui, oui. Est-ce que ça date de l'époque de M. Lalisse? Je crois que oui, c'est la place de... Voyons, la FAO. La FAO, ouais. Hein? Alors, c'était la... Parce que c'est un organisme des Nations Unies sur la Food and Alimentation Organization. Oui, et on voit une corne d'abondance. Voilà. Une proue alors, de bateau, oui, c'est ça. Là. Ben, ça entre dans tout le programme urbanistique. Là. On aurait pu détailler beaucoup de choses, hein, avec... les 16 ans, parce que quand même, il faut se souvenir aussi que Jean-Paul Lallier, c'est celui qui, de toute l'histoire de la mairie de Québec, depuis 1833, c'est celui qui a occupé la mairie le plus longtemps, 16 ans, c'est quand même pas rien. Oui. Alors, c'est ça, donc il y a eu le temps quand même, et on le voit, on en profite encore, que ce soit aussi la fontaine d'Audelin devant la gare. La bon, gare. En tout cas, les exemples nous viendraient, mais c'est effectivement un très bel endroit, un peu exigu, mais avec la fontaine et tout ça, ça rappelle aussi le fait que Québec a été un port où non seulement le bois et les grands trafics, les choses matières importantes, mais de la nourriture aussi, des céréales et tout ça, tout ce qui a transité par le port de Québec. Donc, ça rappelait l'aspect alimentaire, je dirais, de Québec comme aussi et comme port de mer très important pendant très, très longtemps dans l'histoire. Et je souligne que cette œuvre-là a été designée par les employés de la ville de Québec, un urbaniste et un architecte de la ville. De la ville de Québec. Ça n'a pas été ça a été vraiment fait à l'interne. Maintenant, mon commentaire, ma réflexion, c'est concernant les conseils de quartier. Oui. C'est vraiment l'institution des conseils de quartier. C'est d'ailleurs, c'est un phénomène qui est étudié dans les universités, là, parce que ça se retrouve, je sais que ça se retrouve quelque part, je pense aux Pays-Bas ou quelque chose comme ça, mais je sais que pour avoir... En fait, moi, j'ai siégé sur un conseil de quartier et j'ai pu voir comment ça pouvait, apporter un dynamisme. Premièrement, créer un sentiment d'appartenance à quelque chose qui est une entité, si on veut, de grandeur humaine. Là, exemple, moi, je viens de je suis une ancienne de Sainte-Foy. En fait, mon maire, M. Lallier, n'a jamais été mon maire. C'est jamais. Mais suite aux fusions, maintenant, j'étais dans Sainte-Foy à 100 mètres de Cap-Rouge et à 1 km de Saint-Augustin. Alors, j'étais comme... Bon. Alors, maintenant, j'appartiens à un quartier qui est le quartier du Cap-Rouge et j'ai des gens que je peux aller voir à tous les mois et leur dire, il y a ci, il y a ça qui marche, qui ne marche pas. Les conseils de quartier, je ne sais pas jusqu'à quel point il en parle dans ses mémoires, mais c'est vraiment une chose qui est... spécifique à la ville de Québec. Il n'y a pas ça à Montréal, il n'y a pas ça ailleurs. Là. Il l'évoque, effectivement, puis c'était une des réussites, parlant de démocratie municipale, mais ça allait dans les deux sens. D'une part, les conseils de quartier permettaient aux citoyens de s'impliquer dans leur milieu immédiat, enfin, dans leur coin, là, de dire, moi, j'ai quelque chose à dire. Mais l'autre condition qu'ils voyaient à l'efficacité de ces conseils de quartier, c'était que l'administration écoute ce qui venait d'en bas. On ne peut pas peut-être tout faire, parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont... qui ne sont pas possibles à réaliser, mais parce que ça pourrait exister avec la mentalité cause toujours. Mais pour lui, il y avait cette importance-là que les gens discutent entre eux, essaient de déterminer ce qui est faisable dans leur milieu, les priorités, ce qu'ils souhaitent et tout, et que l'administration, le conseil et tout ça écoute ce que les gens et réalise ce qui va dans le sens. Et à ce moment-là, il y a une valorisation du citoyen qui se dit, ma foi, j'avais proposé, je ne sais pas, l'amélioration d'équipements, de jeux dans tel parc, et puis ça s'est fait. Hein? Alors, il y a l'impression vraiment que son implication abouti quelque part à une... et ça, c'était vraiment important qu'il y ait un dialogue entre les instances. Un petit mot, parce que vous parliez donc de cette sculpture magnifique, vous parliez de la fontaine d'Audelin. On n'a pas eu le temps de tout aborder, évidemment, en 23 minutes, mais une des choses que je pensais faire, mais le temps file trop rapidement, c'est quelques déceptions, puis on va rester dans cet héritage tangible, les monuments, les fameux grands, ce rêve de l'escalier. Oui. Ça a été une de ces grandes déceptions. Place de France. En fait, c'était le cadeau, le don que la France souhaitait faire à la ville de Québec à l'occasion du 400e de Québec. On avait prévu donc quelque chose qui aurait été quand même tout à fait symbolique. Alors, c'était autour des bretelles d'autoroute qu'on a démolies depuis, là, et faire un escalier qui allait unir la basse ville et la haute ville et la basse ville avec des paliers. Et il y aurait eu sans doute un accès d'escalier mécanique là, pour, oui. d'ascenseur pour les gens à mobilité réduite, mais quand même un lien physique et marchable, enfin accessible aux piétons. Et à chaque palier, il y aurait pu y avoir des choses, des rappels de l'histoire, etc. Donc, il y aurait eu un parcours, une espèce d'expérience en montant ou en descendant ces marches et en même temps en créant un lien direct entre la haute ville et la basse ville. Bon, on sait à quel point il y a eu des croisades, je pense, on peut dire ça comme ça, des radios populaires de Québec et tout ça qui se sont mis à ridiculiser ça. Bon, la France était dans une situation un petit peu délicate. On ne voulait pas créer encore là de bisbilles ou de conflits. Mmh. Alors, on s'est rabattu sur un autre projet de faire un parc public avec un espèce de petit pavillon, peut-être à la Le Corbusier, qui aurait un peu, encore là, on aurait pu faire des expositions photographiques des coins de France, d'où venaient les ancêtres du Québec, bon, des Québécois. Encore là, ça a été critiqué, ça a été galvaudé, finalement. Alors, on s'est rabattu encore en plus petit, là, tu sais, bon, et on est né pour un petit projet quand c'est pas un petit pain. Et puis, finalement, la France ne fait que payer l'aménagement de l'entrée du Musée de l'Amérique française. Puis, à mon avis, c'est pas très réussi. En fait, je suis pas historien de l'art, là, mais je voudrais demander ça à M. Drouin, qu'est-ce qu'il en pense. Mais à mon avis, c'est vraiment, quand on pense à la France comme une espèce de pôle culturel, de rayonnement, etc., on est très, très loin de ce qu'était le projet de Place de France. Alors, ça aurait été quelque chose de pérenne, de durable, qui serait resté pendant très longtemps dans le décor de Québec. Bon, malheureusement, pour toutes sortes de mesquineries et de petitesse, ben c'est resté. Ouais. Et je sais que ça l'avait beaucoup blessé parce que ça aurait été un legs qu'il aurait aimé faire. Mm-hmm. Enfin, il en a fait d'autres, il en a laissé d'autres, mais celui-là, je pense que ça a été vraiment une blessure pour lui. Caroline? Dire aux auditeurs, vous parliez de la FAO, M. Galichand. On a déjà consacré une émission à l'histoire de la FAO, aujourd'hui l'histoire, que vous pouvez retrouver sur notre site web, peut-être, parce qu'il y en a qui sont plus là, ou en balado-diffusion, certainement. C'est avec l'historien Luc-Nicole Labrie, historien du Parc des Champs de Bataille, ici à Québec. On a consacré plusieurs émissions à votre ville, hein, quand même, on aime ça. Mm. Ouais. Mais c'est vrai que Québec, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est que, bon, c'est le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, de l'après-guerre, et on est en train de créer, bon, les Nations unies et tout ce que ça va vouloir dire comme structure, comme organisation. La FAO a été donc techniquement créée à Québec. Et ce que moi, j'avais appris en faisant cette émission-là, c'est qu'il y avait des gens qui rêvaient grand à Québec à l'époque parce qu'on a même pensé à le siège des Nations unies qu'on voulait avoir à Québec sur les plans de Brame. À deux pas d'ici. Ouais. Donc, c'est vraiment une époque où Québec, c'est parce qu'il y avait eu la fameuse conférence, les deux conférences pendant la guerre avec Churchill, entre autres. Donc, Québec voulait se positionner comme ville et a été, de fait, dans cette période, une ville internationale. Dernière question? 1, 2, 3, adjugé? Merci beaucoup. Merci. Vous êtes déplacés. Merci.